Le mot avoir, comme dans les phrases j'ai un ami, j'ai un livre, se dit en chinois. Yǒu, yǒu, les rouges de la victoire, yǒu. C'est le même caractère que dans peng you. C'est une bonne question. C'est un caractère différent, mais la prononciation est la même. Yǒu. Alors dites-vous que mon ami Yo-Yo n'a plus de cheveux, mais il a toutes ses dents. Alors vous avez remarqué que les associations que je vous donne pour que vous vous rappeliez des mots n'ont pas toujours de rapport direct avec le mot que vous apprenez. L'idée est ici de vous donner une image ou une histoire qui se fixe au mot chinois que vous ne connaissez pas. Alors dites-moi, as-tu un livre ? Et vous n'avez pas besoin de traduire un. Il suffit de dire « tu as livre » plus le mot interrogatif. Ni you shu ma. As-tu un livre ? Ni you shu ma. Et la réponse est « oui, j'en ai un » ou bien « oui », ce qui se dit simplement en répétant le verbe « avoir ». You. Oui. You. Alors dites-moi, as-tu un professeur sans insister sur le « un » ? Ni you lao shi ma. As-tu un professeur ? Ni you lao shi ma. Et si vous voulez répondre « oui, j'ai un professeur », comment dites-vous « oui » ? You. You. Il a un professeur de chinois. Ta yi ge. Et comment dites-vous il a? Ta you yi ge. Zhongwen lao shi. Il a un professeur de chinois. Ta you yi ge. Zhongwen lao shi. Et c'est correct aussi de dire cette phrase sans le « un ». Alors dites-moi, il a professeur de chinois. Ta you zhong wen la ta you zhong wen lao shi. Il a un professeur de chinois. Ta you zhong wen lao shi. Donc, rappelez-vous que le un ou le une est facultatif et vous entendrez donc les deux formules. Et maintenant, comment direz-vous a-t-il une petite amie? Il a une petite amie plus le mot interrogatif. Donc, ta you. Nu peng you ma. Comment dites-vous ami? Peng you. Peng you. Peng you. Oui, rappelez-vous, hein. Qu'est-ce que vous dites? Un peng. A-t-il une petite amie? Ta you. Nu peng you ma. Pouvons-nous revenir sur le mot femme, nu? C'est levé de la victoire ou le doigt bleu levé? Nu, nu. Donc c'est levé de la victoire. Nu. Donc comment répondez-vous oui à la question a-t-il une petite amie? Yo, yo.